Linkoko ta shabaran tsuku. Yes, we did that the fishura de finishery of Pusa. Bon, ma chère belle, le nom organe est à Pasuka. Chef Master Wantami desanime. Maningi bolingo, wako pona nani ye?